ton coussin, tu t'égares, tu t'éteins. Je te demande si tout va bien, mais dans ta voix, je ne sens plus rien. Sur ta fréquence, y a ton silence, l'indifférence a tel un sens. Quand le malaise reste un mystère, je ne sais jamais quoi faire. Quand la nuit tombe, je pense à toi, et je te vois comme avant près de moi. Toutes ces joies sont bien obsessionnel pour que je t'appelle. Sur ta fréquence, y a ton silence, l'indifférence a tel un sens. Quand le malaise reste un mystère, sans jamais savoir quoi faire. Nos longueurs d'onde sont brouillées, se confondent. Je voudrais tant savoir pourquoi il y a ce froid si injuste parfois. Sur ta fréquence,